Les ondes de forme, la fécondité de l'homme par les étoiles, et les planètes et le dieu main, la nature dieu main, les notes sont les sons qu'émettent les couleurs qui donnent une puissance dans la vitesse. L'accélération des énergies purifie les sentiments des hommes. Les chiffres donnent les directions, structures, coudées, ADN. Tout ceci participe de la géométrie sacrée. Les ondes de forme correspondent aux archétypes originaux de toute création par le son. Elles structurent l'énergie. Elles captent et amplifient les énergies du ciel, de la terre et des quatre éléments, feu, terre, air, eau. Chacun est régi par ces ondes de forme, qui permettent comme des schémas architecturaux, de transmettre un son. Elles sont des catalyseurs, points de jonction où circulent les énergies en provenance de l'espace et des courants de la terre, des quatre éléments. Les ondes de forme accélèrent les énergies de la même façon, qu'une pyramide accélère le vieillissement d'un vin placé à l'intérieur de celle-ci et en favorise sa conservation. Leur impact est multiple. L'émission des sons se fait par la percussion des points représentant dans le corps un centre d'énergie. Les lois de l'univers sont parfaites. Elles engendrent le fonctionnement du plan physique, ou de la matière et sont le résultat de l'application naturelle des sons. Les sons ont une influence en tant que vibration sur notre âme via notre corps physique. Comme tout est organisé et ordonné, il est important de ne pas utiliser n'importe quel son à n'importe quelle fin. Le son est comme le flux d'un rayon laser, qui va détruire ce qui bloque le passage. Lorsque le passage est ouvert, le son va mettre notre âme en vibration pour la mettre en résonance avec les énergies subtiles de l'ordre. Le noyau de la nouvelle mémoire loi prend sa forme et donne sa force. En appliquant sur le sol le dessin de l'onde de forme que je reçois, la loi se forme et s'accomplit. La forme s'unit avec la mémoire du lieu, et se reprend dans l'univers. L'échange tertiel se fait par l'onde de forme et passe par l'âme de l'homme qui crée le dessin. L'énergie de la terre demande et le ciel donne, pour que l'homme comprenne et accomplisse. Cette science était connue des civilisations anciennes, l'Égypte, les Aztèques, les Incas, l'Inde, etc. Ces civilisations connaissaient les mystères de la nature et de l'univers. La transmission de la mémoire des connaissances se faisait au moyen de symboles, d'ondes de forme et de signes, qui étaient et sont toujours des écritures sacrées. C'est de cette manière que se sont transmises les traditions relatant les effets énergétiques de l'union de la terre et du ciel. Ce sont uniquement des principes de vie à suivre, pour rester dans les lois qui régissent la terre et le ciel, afin qu'elles se perpétuent dans les traditions de génération en génération. Les ondes de forme sont comme des lettres. Suivant leur emplacement et leur direction avec d'autres lettres, elles donnent différentes significations aux énergies. Nord, sud, est, east, énergie horizontale, énergie verticale, hexagone, carré et triangle, circulation en périphérie et remplissage, les ondes de forme posées sur la terre, émettent des sons qui forment une harmonie musicale. Cette harmonie correspond au chant du lieu de l'âme de la terre qui va entrer en relation avec le chant des étoiles. De ce fait, elles seront fécondées par les étoiles. Ces sons influencent et amplifient la croissance des végétaux, des animaux et des humains. Toute forme, qu'elle soit matérielle ou produite par la pensée, capte et émet des sons agissant sur les personnes, les plantes, l'environnement. Bref, sur tout ce qui vit. Les sons sont les vecteurs des nouvelles mémoires numériques. La projection se fait par modulation âme de fréquence étoile. La structure de l'âme ressemble à un filet de pêche, une multitude de losanges double pyramide. Les mémoires sont distribuées dans la structure du filet de l'âme, qui absorbe les nouvelles mémoires, suivent les sillons qui remplissent tous les réservoirs, de la même manière que le sang, est distribué par les vaisseaux. Les pyramides ne sont pas des tombeaux funéraires, mais des émetteurs-récepteurs, amplificateurs, accélérateurs des énergies cosmiques et terrestres. Suivant leur position, elles sont liées avec des étoiles pour un échange d'émissions. Elles sont reliées avec Orion qui est une constellation. Elles représentent le réservoir des âmes ou la maternité des âmes. Similitude avec les deux étoiliades en vis-à-vis les trois étoiles de la ceinture d'Orion agissent, le ciel sur la terre cas de l'abeille brûle et observation, l'herbe qui pousse sur le dessin de l'onde de forme de l'abeille se met à jaunir, à rougir et à roussir, comme brûlée. Après vérification au microscope, on a observé que cette herbe rouge avait subi un changement moléculaire, comme si elle avait été soumise à des radiations nucléaires. Pour rééquilibrer, il faut rajouter des ondes de forme au dessin de l'abeille. Les abeilles éléments apportés, eau et feu, malgré qu'il y ait eu initialement trop de feu. Après ce rajout d'ondes de forme, on observe quelques semaines plus tard que l'herbe verte est repoussée. Ce travail pourrait nous aider à comprendre pourquoi les terres brûlent et comment y remédier. Pour vérifier si l'on pouvait ainsi régler le problème de désertification et d'assèchement des terres des pays chauds, il serait intéressant de faire des expériences dans des pays aux prises avec ce type de problème. À cet égard, notons qu'il est important de connaître les lois qui régissent ces formes car les erreurs peuvent détruire et produire l'effet inverse de celui que l'on désire avoir. Lors de mes travaux, j'ai composé différentes musiques en tenant compte de certaines spécificités. Les plantes ont des octaves en correspondance avec la Terre, qui vont à leur tour entrer en résonance avec les octaves des planètes, des étoiles et des galaxies. Depuis mon enfance, j'ai retrouvé cette science que je mets au service de l'humanité. Elle peut être utilisée dans différents domaines, notamment dans la culture des fruits, des légumes et des fleurs, ainsi que dans les arts et l'architecture. Après plusieurs années d'expérience et de réalisations concrètes, que j'améliore régulièrement, je suis arrivé à des résultats remarquables. J'ai agi non seulement sur la grosseur des plantes, mais aussi sur leur qualité, leur saveur, leur productivité au mètre carré, et également sur l'accélération de la croissance, le gigantisme. J'ai planté en pleine terre des orangers, clémentiniers, citronniers, pamplemoussiers qui ne poussent pas dans ma région. Ces agrumes sont très parfumés et juteux, tout comme s'ils avaient poussé dans leur pays d'origine. Cette science est très complexe et demande la connaissance des mystères. Pour travailler avec les ondes de forme dans la nature, il faut maîtriser la science des courants telluriques. Cette science est connue en Chine sous le nom de Feng Shui, l'art de localiser les courants de la Terre. On l'appelle aussi géobiologie. La Terre est un système ouvert qui échange matière, énergie et information tout, comme le corps humain et la cellule. L'ADN est une onde de forme architecturale spécifique pour chaque espèce, une structure physique en correspondance avec les lois de la nature reliées avec celles de l'univers. L'âme se manifeste dans l'ADN qui est son véhicule. Elle est le miroir exact de ce qui est en haut, le macrocosme. Notre ADN change à chaque fois que nous avons une ouverture de conscience pour s'adapter à la fréquence des divinités de l'univers céleste, ainsi qu'à celle des divinités de l'univers terrestre, les deux pyramides. Et, pour devenir totalement divin sur Terre, il faut avoir les trois pyramides, la troisième étant nous, l'archétype. Cela est représenté par les trois pyramides de Gizeh en Égypte, Khô, Khéphren, Mykérinos. Les trois pyramides, cela nous permet d'être immunisés contre toutes les maladies karmiques telles le cancer, le sida et d'autres maladies modernes. Contre elles, la médecine actuelle n'est qu'un emplâtre sur une jambe de bois. La manipulation génétique de l'ADN dans les biotechnologies est réduite à une seule polarité, celle de la Terre. Cette réduction explique et justifie que ces manipulations présentent un grave danger de destruction de tout ce qui vit sur Terre. Elles vampirisent toutes les énergies célestes des âmes des plantes. À cause de cette manipulation, le complément céleste ne peut pas s'incarner dans la plante génétiquement modifiée sur Terre. L'ADN ainsi modifié n'est pas conforme aux lois de l'ADN de l'âme, car le céleste ne trouve pas son complément miroir pour s'unifier et l'alimenter. Tant que l'homme n'appliquera pas les lois célestes, il continuera à détruire, en partie à cause de son ignorance. Le véritable scientifique, dépourvu d'orgueil, est celui qui fait le lien entre le ciel et la terre. Les plantes représentent l'orchestration harmonieuse de la divine symphonie des mystères de la nature. Chaque plante émet un son en parfaite relation avec son architecture, sa couleur et son parfum. Ce son donne dans l'espace. Cette onde de forme actionne un mouvement en relation avec un mécanisme de l'architecture de la création divine. Chaque plante a sa propre fonction dans l'architecture de la nature, elle est aussi liée avec les mystères de l'univers. Elle est influencée par une ou plusieurs étoiles et aussi par les planètes. Son état émet dans l'espace, l'influence du lieu où elle se trouve. Pour recevoir les sons en correspondance de ses besoins vitaux, et pour transmettre à son environnement, à la terre, l'alchimie de ses sons, elle se met en résonance avec les autres plantes. Les graines représentent la force divine accomplie de la plante, suivant sa qualité, sa structure, sa couleur, son parfum. La graine est une force concentrée et puissante, une force nucléaire. Les minéraux et les métaux, suivant leur qualité et leur couleur, représentent des forces divines différentes appelant les puissances des étoiles au plus bas, puisqu'ils sont le premier règne. Par exemple, la carotte émet la note La, le poireau la note Fa, la scorsonère la note Do. Fa Do La est un accord majeur parfait de base. Les notes ensemble donnent une qualité 10. La carotte, le poireau avec l'épinard donne La, Fa, Sol, percussion triolet. Ce qui donne une qualité I. Pamplemousse, poire, nèfle du Japon, brocoli, minaret, mandarinier, chou, rave, aubergine, longue, banane, pied de coriandre, aubergine, côté égal à 1 kg 850 vignes, assortiment de légumes. Si nous allons plus loin, la cuisine serait une scène musicale où le cuisinier sur son piano composerait une partition de plats sonores que notre corps et notre âme dégusteront avec joie. Il est important que le corps de l'homme soit en parfait accord avec son âme. Pour que cette harmonie apporte ses fruits, cet accord permet à l'homme de devenir transpersonnel sans perdre son individualité. Par contre, celle-ci s'efface devant les mémoires divines pour intégrer les nouvelles normes pour le futur. L'homme doit être accordé car, lui aussi émet des sons. Dans son corps sont inscrits toute la nature, la planète ainsi que l'univers. Il est l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Tout passe par lui pour échanger, et ainsi retransmettre à la terre et au ciel. L'homme désaccordé met la nature en danger, c'est la raison de la disparition de certaines espèces de plantes ou d'animaux. Cela peut aller encore plus loin dans la destruction, la sienne bien sûr, mais aussi, celle de l'univers. L'homme n'a jamais pensé qu'il pourrait disparaître de cette planète, aussi subitement que les dinosaures. Les plantes sont des stimulateurs, et des accélérateurs du mécanisme de l'âme. Pourquoi les ondes de forme agissent-elles sur le jardin? Une onde de forme est une onde électromagnétique créée par une géométrie bien définie, qui va agir sur l'ADN, et contrôlée partiellement la cellule. Cette onde électromagnétique va moduler l'activité de certains gènes. On va ainsi amplifier l'activité du gène correspondant à la synthèse de ce que l'on peut appeler l'hormone de croissance des plantes, tout en respectant l'environnement et l'harmonie, c'est la symphonie secrète. Il est possible de dessiner l'onde de forme correspondant à l'ADN de la plante, en l'orientant en fonction des éléments, des axes, des mouvements et des constellations dont elle a besoin. Les directions représentent les éléments dans les degrés. L'exactitude onde de forme haricot onde de forme avec les différents axes de plantation du jardin expérimental, toutes les plantes correspondantes sont des ondes de forme, et jouent un rôle important dans la symphonie du terrain. Elles appellent les sons des symboles de l'ancienne Égypte. Construction artistique basse, Égypte chakra du cœur de l'homme archétype du terrain dans les directions, est importante dans les mélanges des éléments, qui apportent des énergies très précises et subtiles. Le moindre écart en change totalement l'énergie et la force. Tous ces ensembles sont des écritures géométriques de Dieu pour transmettre son énergie aux êtres vivants, c'est-à-dire les êtres pleinement conscients ou archétypes. Ils sont les mémoires que Dieu peut féconder. L'homme est une terre qui peut être fécondée par les puissances divines, suivant sa fréquence. Il est possible aussi, de sélectionner l'onde électromagnétique, qui va agir spécifiquement sur l'ADN de la plante, et agir sélectivement sur le gène correspondant à la croissance de la plante. Tout ce champ électromagnétique va mettre la plante en résonance vibratoire, et former un halo qui va l'isoler de l'environnement où elle se trouve, et lui permettre ainsi de grandir en toute quiétude. Quand elle aura atteint une croissance suffisante et renforcée, elle pourra, avec sa fréquence de base, intervenir sur les autres plantes de sa catégorie, et se mettre en résonance pour jouer une symphonie. Il est possible de construire une cartographie en onde de forme du génome de la plante, ajustée et alignée sur la cartographie céleste par résonance vibratoire. Il est important de rappeler que les physiciens théoriciens actuels décrivent l'ADN comme une corde vibrante. Le jardinage peut donc devenir une branche de la mécanique quantique, le jardinier étant un compositeur céleste, qui vérifie au quotidien la manifestation ondulatoire de sa main verte. Ceci est attesté par le rendement et la qualité nutritive supérieure des légumes et des fruits. Ceux-ci sont les adjuvants à la transmutation biologique nécessaire pour parfaire la transmutation énergétique. Donc, un carburant vibratoire nécessaire pour poursuivre l'évolution. Il est indispensable et urgent de se nourrir d'aliments hautement énergétiques sur le plan vibratoire, pour mieux assurer notre évolution. Tout produit de synthèse est non vivant, donc, intervient comme un outil favorisant un blocage, et empêche les énergies d'être transmutées. La mauvaise nourriture intervient dans notre évolution de la même manière qu'un blocage émotionnel. L'ADN de la plante est la mémoire de la structure de la plante. La variété, la couleur, la forme, le goût sont donnés par les énergies d'ordre divin. Notre agriculture actuelle par sa motorisation et ses pesticides n'a plus accès au divin de la nature et de l'espace. Si, dans sa culture un élément de synthèse intervient, l'âme de la plante combat cet élément, la plante perd son goût, devient fragile et réceptive aux maladies tout comme l'homme qui la mange. D'où l'importance de manger des produits naturellement sains. Chez nous, le fumier vient de nos bêtes qui, elles aussi, sont élevées avec une nourriture sans pollution. Les plantes reçoivent à travers le fumier, les énergies du règne au-dessus d'elles. Nous retrouvons donc la symphonie parfaite entre le minéral, la terre, le végétal, la plante, le fumier, l'animal et l'homme, celui qui cultive. C'est le respect de la loi des quatre règnes, les quatre plans terrestres. Arbre penché et poirien, une onde de forme dessinée sur sa gauche et l'arbre a poussé penché, après avoir enlevé fonte de forme, l'arbre a commencé à se redresser. 2. Une onde de forme pour protéger le poirier d'un excès d'énergie feu. L'exemple d'un pêcher que j'ai planté. C'est le printemps, le pêcher est rempli de très belles fleurs, il est en bonne santé. Un jour, je le vois rempli de poux noirs, je regarde autour s'il n'y a pas quelque chose qui le dérange et je vois une table posée près de lui. J'enlève la table et au bout d'une heure les poux sont tombés au sol. Une table agit sur l'arbre? Pourquoi? La table, même si elle est en bois, n'émet pas la vibration du vivant, l'arbre en émettant les sons donne sa vibration à tout ce qui l'entoure pour recevoir à son tour. C'est l'échange perpétuel. L'arbre donne à la table qui ne lui redonne rien. L'arbre s'épuise, s'affaiblit et les parasites arrivent. C'est la même chose avec les engrais chimiques sur la terre. La terre ne reçoit pas les véritables notes dont elle a besoin. C'est la raison des fruits et légumes sans goût. Un autre exemple d'un péché malade. Ce péché malade est un péché qui a du mal à grandir. Je me suis aperçu qu'un autre péché planté à côté de lui commence à montrer des signes de maladie, alors qu'il n'a pas de difficulté à pousser. Le premier péché vampirisait les énergies du second. Quand j'ai soigné le premier, le second a guéri sans que j'ai eu à le soigner. Un dernier exemple sur le même sujet. Un arbre mort absorbe l'énergie des autres arbres qui sont à proximité. Ils s'affaiblissent, deviennent malades et se remplissent de parasites. En coupant l'arbre mort, les autres retrouvent la santé. Les OGM pourraient faire subir le même sort à toutes les plantes. Les vampiriser et les faire disparaître de la planète. Nos travaux nous ont permis de vérifier l'adage bien connu, le microcosme rejoint le macrocosme. Si d'autres personnes ont, sans idéologie préconçue, une explication différente de celle-ci, elles seront les bienvenues. Cependant, qu'elles n'oublient pas qu'en science, seuls les faits comptent. J'ai pu simplifier cette science, afin de pouvoir la transmettre. Bien entendu, les personnes qui veulent utiliser les ondes de forme devront avoir une ouverture de conscience, un équilibre énergétique et une certaine intuition. J'ai mis en place des techniques d'équilibre de structure du site selon l'environnement, afin d'attirer toutes les énergies des étoiles sur les courants telluriques du terrain, les forces énergétiques, les forces cosmiques, les étoiles et les planètes. Ces formes deviennent des émetteurs-récepteurs, qui échangeront les énergies du sous-sol avec celles de l'espace, à l'horizon et avec les axes sur 360 degrés. J'ai utilisé les ondes de forme sur les plantes pour avoir des résultats plus rapides sur la connaissance de cette science. En sachant que les formes captent les énergies qui nous entourent, il m'a fallu étudier l'environnement, car celui-ci a également une influence sur les plantes. Étant convaincu que le hasard n'existe pas puisque tout est orchestré selon les lois du ciel et de la terre et que tout est fait à sa cause, j'en ai conclu que l'observation de l'environnement est une nécessité. Ce faisant, on peut constater l'influence des courants telluriques dans la nature. À partir de là, je sais où se trouvent ces énergies positives et négatives dans le sol. Il me reste à trouver les courants de l'eau et d'autres courants plus importants. Ensuite, je m'occupe de la plante. Si l'arbre fruitier qui se trouve devant moi a besoin de plus d'énergie et d'eau cosmique, je vais faire un dessin ou autre chose, en correspondance et en complément des qualités de l'ADN de cet arbre. J'ajuste alors sa partition de notes. Ce qui me permet de faire ce dessin est simplement ma capacité de contacter son corps énergétique. Il me dit sa carence, ce qui lui manque. À partir de l'information reçue, je dessine une forme en correspondance avec le son de l'élément en demande. Ce dessin appelle les énergies correspondantes. Après quelques heures ou quelques jours, je vois les effets du dessin sur l'arbre. J'améliore le processus au fur et à mesure de ses besoins. L'homme qui parle aux arbres, fresque égyptienne toute vie physique, fonctionne en accord avec les lois naturelles. Quand elles sont appliquées, elles sont sitôt maîtrisées. Chacun possède en lui une compréhension des lois de l'univers et de la nature, la vraie tradition. Seulement, beaucoup l'ont profondément enfouie. Il faut retrouver cette mémoire qui est inscrite en nous. Pour ce faire, il faut tout d'abord connaître les blocages survenus dans nos vies passées, le karma émotionnel. Tout ce qui est mémorisé dans notre âme, il faut le nettoyer en en prenant conscience. Il ne faut pas hésiter à transformer le monde car lorsque nous changeons, le monde change. Les danses et les musiques sacrées Shiva Shiva, en Inde le dieu qui détruit l'ignorance, avec ses multiples bras et jambes, représente les différents mouvements de la danse pour appliquer les lois ou les images de la vie sur Terre. Shiva met en mouvement les ondes de forme par la danse des énergies, la décomposition du mouvement, l'alphabet corporel sont des ondes de forme. Toutes les danses sacrées sont les chorégraphies des ondes de forme. Elles correspondent à la destruction et à la construction énergétique par le mouvement, par l'axe du monde, notre corps. Ces danses représentent la géométrie sacrée en mouvement dans la précision. On peut comprendre l'importance de ces danses lors des rituels, elles participent aux offrandes à la terre et au ciel. Certaines ondes de forme de la danse peuvent donner lieu à des réactions de la part des spectateurs, car ces danses permettent la transmutation des énergies reçues et retransmises aux spectateurs. Le mouvement de l'énergie est découplé, et les énergies sont décuplées. Certaines personnes peuvent voir les couleurs des énergies accompagnant ces danses sacrées. Ces danses étaient toujours faites à un moment bien précis, dans un lieu générant une forte énergie, et correspondant à l'énergie cosmique du jour. Le danseur étant en parfaite harmonie Tao, il devient donc sacré. Les musiciennes d'Égypte représentent les sons des qualités des trois éléments, clarté, pensée créatrice, échange entre la terre et le ciel. Les trois éléments sont les énergies du créateur, qui pénètrent en douceur dans le corps de l'âme, et l'éveillent afin de recevoir une nouvelle nourriture pour sa croissance évolutive et une hauteur de vue, telle que perçue par l'aigle. Cet éveil permet la dynamisation du chakra du cœur pour œuvrer avec l'amour sur l'humanité. La transmutation, l'effet tunnel de la transmutation. En mécanique classique, on démontre que si l'énergie d'un électron n'est pas suffisante pour passer une barrière de potentiel, celui-ci est réfléchi, effet miroir. Par contre, en mécanique quantique, il existe une probabilité non nulle pour que cet électron passe cette barrière de potentiel. On suppose que cette probabilité se réalise parce que l'électron a puisé son énergie dans l'énergie du vide, qui n'est pas un vide, mais un vide quantique où tout peut se passer et se transformer. Ce vide quantique se définit comme un équilibre entre la matérialisation et la dématérialisation de particules et d'antiparticules. Il faut atteindre les trois Tao, la voie du vide entre les deux forces yin-yang, où tout se réalise et permet la réalisation en rapport avec la demande de la pensée, sur un lieu en correspondance avec le but recherché. La mécanique quantique peut être utilisée pour produire l'électricité et notre eau en utilisant les énergies de la quatrième dimension, qui est la dimension de la voie royale, la voie des trois Tao, celle du vide, qui n'en est pas une, où tout peut se réaliser. Cela nous amène à la cinquième dimension, l'axe central, l'axe de l'accélération hors transmutation. Les travaux du prix Nobel de chimie, Ilya Prigogine, montrent qu'un liquide chauffé jusqu'à une température critique hors équilibre, va développer des structures dissipatives dans lesquelles il apparaît un nouvel ordre, une nouvelle convergence moléculaire. D'une certaine façon, la transmutation alchimique correspond à un tel processus pour amener l'individu, d'un état instable à un nouvel état vibratoire stable. Si la personne n'est pas prête à une telle transformation, elle va brûler, l'arche d'alliance de Salomon, combustion spontanée, déstabilisation physique et psychique, pathologie auto-immune, maladie neurodégénérative, sclérose en plaques, etc. La transmutation personnelle nécessite un couplage entre l'énergie qui amène le système hors équilibre, dissipation, et le mouvement qui le restructure dans un état supérieur par une montée vibratoire en puissance pour atteindre le seuil critique. En cas de disharmonie entre l'énergie et le mouvement, la structuration n'est pas faisable, et la personne s'en trouve déstructurée au sens large du terme. L'alignement vertical-horizontal, racine-pivot, profondeur, n'est pas possible. Une transmutation non aboutie augmente l'entropie du système, et une transmutation aboutie amplifie la négentropie, la lumière est déviée pour passer à un autre état. On peut assimiler la négentropie à la structuration, à l'ordre et à la création, alors que l'entropie est déstructuration, désordre et non-création. La Terre est un système ouvert qui échange matière, énergie et information tout, comme le corps humain et la cellule. Il est bien établi qu'en thermodynamique, un système ouvert recevant un apport énergétique critique, peut donner lieu à une structure dissipative susceptible d'évoluer vers un ordre supérieur. Tout apport énergétique critique externe va d'abord donner lieu à une structure dissipatrice et ensuite évoluer vers une nouvelle structure supérieure. Il est donc normal qu'une personne en processus de croissance personnelle soit d'abord désorientée ou déstabilisée au moment de l'impact critique de l'énergie. La prise de conscience permet de passer à un plan supérieur, d'alléger les tensions et de trouver une paix intérieure d'un niveau plus élevé. Tout travail de prise de conscience se fait par paliers, comme chaque note sur une portée, à un palier différent suivant sa fréquence jusqu'à monter d'octave. En Égypte, ce mécanisme existe au niveau de certains temples, et permet à l'homme d'édifier son temple intérieur pour qu'il soit déifié. Alimentation, véritable art de vivre en communion avec son âme, les nouvelles mémoires d'Isimère Nature, nourrissent notre âme qui est l'enfant au sein. 2. Notre nature âme retransmet la nourriture à l'horizontale autour de nous. 3. Notre nature âme retransmet la nourriture aux étoiles. Toutes ces publicités que l'on voit sur tous ces magazines, comment garder la forme, alimentation ou régime sportif, etc. Des contraintes de régime, des frustrations naissantes, manger cru, manger macrobiotique, les huiles sont bonnes pour votre santé, etc. Bref, plus personne ne sait à quel saint se vouer. L'homme part tout azimut, fait confiance à un tel et un tel, alors que son meilleur diététicien est son propre corps. Vous dites, eh oui, c'est votre propre corps. Il est également votre médecin. Seulement, vous ne consultez jamais votre corps. Bien sûr, si nous n'avions pas perdu notre intuition, il n'y aurait pas toutes ces publicités et ces charlatans qui ne savent pas plus que vous, si votre corps a besoin de ceci ou de cela. Ils ne sont pas vous. Ils ne peuvent penser et agir à votre place. Tout ceci n'est qu'une question d'argent, car la publicité joue sur votre orgueil. Plus vous vous centrez sur vos kilos superflus, sur votre beauté, sur le sport pour garder la ligne, plus ils gagneront de l'argent. Mais dans tout ceci, le seul qui va maigrir et perdre sa forme, c'est votre porte-monnaie. Que faut-il faire, me direz-vous? Eh bien, cessez d'être pris en charge par les autres. Essayez de mieux vous connaître. Bien sûr, il faut de la volonté, de la patience, de l'endurance. Ne croyez pas que cela va se faire par un petit coup de baguette magique, comme vous le signifient toutes ces publicités. Il est important de savoir que le véritable médecin c'est soi en étant conscient. Sinon, on peut faire appel à de véritables médecins, qui ne sont pas ceux de la médecine dite moderne. Premièrement, il ne faut pas manger après une colère, ou lorsque nous vivons de la rancœur. Nous mangeons trop. Notre corps n'a pas besoin d'autant de nourriture. On ne prend pas le temps de bien mastiquer. On parle d'affaires ou de ses problèmes à table. On regarde à peine ce que l'on mange. Nous mangeons parce que nous avons été frustrés pendant la guerre ou pendant notre enfance. Nous mangeons par nervosité, par compensation affective, par oisiveté. Nous mangeons surtout par habitude. De plus, nous avons des heures régulières. Nous mangeons même lorsque nous n'avons pas faim, ou nous ne mangeons pas quand nous avons faim. Et le pire, nous parlons en mangeant. Tout excès émotionnel favorise le dérèglement de l'énergie, et entraîne des problèmes digestifs. Deuxièmement, dites-vous que la nourriture est sacrée. L'atmosphère dans laquelle est pris notre repas est, bien sûr, fondamentale. Combien de repas sont avalés dans le stress, et le bruit le plus complet? L'ambiance doit être calme et joyeuse. C'est un acte d'amour, c'est une méditation qui vous met en relation avec la terre pour appeler le ciel. Vous allez servir d'entremetteur pour le mariage du ciel avec la terre. Ce mariage s'appelle l'alchimie. Il va se passer des choses importantes à votre insu. Eri, à votre insu. Mais votre présence est indispensable, vous allez tenir la chandelle. Le ciel va savoir ce dont le corps, votre terre, a besoin. Il va vous donner envie de manger un aliment, cru de préférence, parce que c'est vivant et que l'alchimie se fait plus facilement. Allez-vous, vous-même procréer avec un sperme cuit et un ovule cuit. Cet aliment va appeler un élément qui manque dans votre corps, puis une vitamine, puis un oligo-élément et tout ceci va se faire dans votre corps énergétique pour pénétrer dans votre corps physique. Vous n'avez pas besoin d'un aliment qui contient de la vitamine A, E ou C pour appeler d'en haut la vitamine A, E ou C non, cela ne se passe pas du tout comme cela. Vous pouvez manger un aliment qui correspond à la vitamine E par exemple, et qui servira de catalyseur. Si votre corps a besoin de vitamine A, de calcium, de silice, eh bien, il recevra ce qui lui manque. Troisièmement, nous sommes influencés par les énergies des planètes, et ce sont elles qui vont nous fournir les éléments qui leur correspondent. À notre naissance, nous avons le zodiaque qui va influencer toute notre vie et également notre nourriture. Par exemple, si nous sommes en position de faiblesse par rapport à une planète, notre comportement et notre corps vont en ressentir les conséquences. Supposons que nous soyons dans une position de mauvais aspect avec la Lune. Nous sommes une personne émotive, trop sensible, eh bien, nous allons compenser cette lacune par de la nourriture. Pas beaucoup? Peut-être. Cependant, le peu que vous allez manger va vous faire grossir. Pourquoi? La Lune correspond à l'élément eau. Pour éviter que votre corps physique se remplisse d'eau, il faudra faire appel au Soleil. Celui-ci orchestre toutes les planètes de votre thème astral connectées avec le menu de l'espace. Et le Soleil est votre personnalité. Il faudra corriger tout ce qui ne va pas dans le comportement. J'ai aussi observé qu'une personne malade, donc déséquilibrée dans la fréquence de ses sons, va manger tout ce qui va la faire descendre encore plus bas dans les fréquences. Elle se détruit inconsciemment parce que la maladie la coupe de son âme. Là, le véritable médecin devient nécessaire. Dans la Chine ancienne, le rôle du médecin consistait, pour l'essentiel, à préserver la santé. Si le patient tombait malade, il ne payait plus son médecin. Celui-ci surveillait l'énergie du corps ZHENQI et de l'âme ChanQI. Celui qui est capable d'exercer cette médecine est le médecin Chan, le médecin divin. Notre nourriture peut aider à retrouver l'équilibre. Elle est aussi en relation avec l'espace. En effet, le légume ou le fruit est une note et une fréquence en résonance avec sa planète. Celles-ci remettent en vibration nos cellules et les remontent dans leur fréquence pour retrouver la santé. Les épices, les plantes aromatiques et médicinales sont régies par plusieurs planètes. Elles sont plus puissantes dans la vibration énergétique et rétablissent la santé plus rapidement. Il faut utiliser les plantes aromatiques dans votre nourriture, elles vous maintiendront en bonne santé, et le palais en sera réjoui. Dans les préparations de légumes ou de fruits, les plantes aromatiques accentuent les fréquences et rajoutent de la puissance aux vibrations. Il est important de manger chaque légume ou chaque fruit séparément. Leur vibration dans le palais va faire vibrer la glande pituitaire et amplifier nos fréquences. Notion du bien et du mal. L'énergie du mal est un mouvement en vrille ou spirale de descente des énergies célestes vers la Terre pour être transmutée par notre plan d'évolution. Le bien effectue le même mouvement de la montée des énergies de la Terre vers le ciel, pour être redonné et transmuté par les plans supérieurs. Dans le mal existe le bien et, dans le bien, existe le mal. Ce mouvement s'appelle le vent. L'union des deux spirales donne le Tao, voie du milieu qui est une voie rapide de transmutation. Ce mécanisme permet la montée dans l'échelle cosmique de notre évolution. Le mal, quand il a atteint son but de transmission dans le bas, passe le relais au bien pour remonter les informations nouvelles après transmutation. Et ainsi de suite, éternellement. C'est ainsi que nous prenons la nourriture tertielle et autour de nous. C'est le mouvement en croix, la crucifixion. Le symbole en est la croix. Les différents symboles de la croix qui existent sont en correspondance avec le mouvement et les éléments et la façon de les recevoir. Notre univers fonctionne selon trois principes, la réceptivité, le cœur, le don, les mains, la compréhension, les pieds, représentent la mise en action. La terre peut ensuite donner et l'univers recevoir. L'homme peut comprendre par le retour, c'est ce que l'on peut appeler l'interpénétration des mondes, l'un, la matière spiritualisée est une matière active, indépendante et intelligente grâce à laquelle, on peut se transformer. Imaginez une matière densée luminescente, ne pouvant agir sans l'énergie intelligence. La matière est inactive, morte, sans mouvement. Elle ne peut recevoir les énergies. C'est comme si l'on renversait du vin dans une coupe retournée. Comprendre les énergies, c'est s'en servir. Le vin est le sang est la mais pourtant personne ne comprend ce symbole du Christ, le don de soi en totalité, c'est donner son sang. Le sang ne coule plus pour soi-même, mais pour le réceptacle d'énergie qu'on aspire à être. L'homme doit être libre en totalité. Libre, réfléchissez sur le sens de ce mot que les hommes ont tant utilisé, sans pour autant le comprendre. Libre d'agir dans le haut comme dans le bas, libre d'être fermé, ouvert, protégé, étendu, actif. Être libre, c'est être dans le mouvement. Le libre arbitre, c'est le choix d'être en mouvement ou pas. C'est d'épouser les énergies du moment ou pas. Donc, le choix que nous avons est de nous tromper ou d'évoluer. Ne cherchez pas ailleurs la solution à vos problèmes. Vous n'avez pas de problème, seulement des barrières mentales que vous vous infligez chaque jour. C'est à croire que l'homme cherche à souffrir. Il a le savoir mais il ne cherche que le pouvoir de la matière. Pourtant, dans l'au-delà des mondes supérieurs et intérieurs, rien n'existe plus que l'amour. Alors, que chercher d'autre que l'évolution? Ne vous regardez plus le nombril, élevez votre tête et votre conscience vers la vie des êtres divins. Toute action sera reçue avec amour et sincérité, en espérant que vous comprenez que la terre est détruite par la bêtise et par l'ignorance. Par ce fait, nous nous autodétruisons. Nous sommes une espèce en voie de disparition, nous sommes révélés à nous-mêmes. Il ne sert à rien de lutter contre la pollution, et les déchets quels qu'ils soient, c'est s'épuiser à prêcher dans le désert. C'est le résultat de l'état d'esprit humain. Il faut nettoyer nos propres déchets intérieurs, c'est le plus important. La prise de conscience se fera, et les déchets disparaîtront de la surface de la Terre par la prise de responsabilité de chacun. Et la science construira en respectant la vie. Nous prendrons toujours le problème à l'envers, tant que nous n'aurons pas inversé nos pôles intérieurs, car nous arrivons à la fin des temps, autrement dit à la fin d'un cycle de plusieurs millénaires. Tout va en s'accélérant les énergies célestes et dans, la pollution continue de plus belle, construction et multiplication de voitures polluantes, nourriture polluée par les pesticides, etc. Tout va en augmentant. Posez-vous la question, pourquoi? Parce que le seul Dieu actuel adulé sur Terre est l'argent, son profit et le pouvoir. Comment voulez-vous que ça change? De plus, vous l'encouragez à continuer en achetant tout, ce qui est mauvais pour vous et votre santé. L'argent n'est pas destructeur en soi. C'est l'état d'esprit qu'on y met et l'usage qu'on en fait, qui est destructeur. Si nous sommes en harmonie avec les lois, tout ce dont nous avons besoin dans cette incarnation, nous le recevons sans même le demander. C'est la corne d'abondance. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Apocalypse 11h18, ceux qui craignent ton nom sont ceux qui connaissent les lois et les suivent. Ils savent que tout est lié à sa correspondance cause à effet. Nous recevons les énergies que nous méritons, en relation avec notre évolution. Si nous sommes dans la destruction, nous continuons dans la destruction. Plus nous recevons l'énergie, plus nous détruisons. Pourquoi? L'action ne se fait pas. Sans le changement, nous ne pouvons avoir une bonne compréhension des choses. C'est en appliquant que nous comprenons. Si nous ne comprenons pas, nous sommes déformés dans le son et la forme et nous émettons de faux sons. Les énergies que nous recevons actuellement, sont déformées à notre contact, et nous les dispersons sur notre environnement. Plus nous sommes déformés, plus nous recevons les énergies qui révéleront nos blocages, jusqu'à la prise de conscience de ce mal-être. Ces blocages nous amènent la maladie. C'est détruire ceux qui détruisent la Terre, notre corps, c'est-à-dire nous-mêmes. Les énergies correspondent au temps actuel du plan d'évolution globale terrestre et céleste. Maintenant la planète et les êtres doivent passer sur un autre plan d'évolution. La fin de ce cycle va remettre les hommes face à leur état. C'est comme un examen de passage pour un écolier, pour accéder à la classe d'un niveau supérieur. Nous en sommes là. Point d'exclamation. Au sein de l'univers, la planète Terre n'est pas encore Tao. C'est un piège pour l'homme de ne prendre que la polarité Terre qui n'est pas encore sacrée, d'où la nécessité d'être aussi en relation avec l'univers. C'est ce qui explique la présente difficulté d'évolution de l'homme sur Terre. S'il n'y prend garde, il est toujours tiré vers le bas. L'ici et maintenant est de rigueur pour ne pas tomber dans le piège. L'accélération des énergies va changer l'ADN si nous lâchons prise, nous grandirons rapidement, sinon, pauvre de nous. Lorsqu'un homme pense, il crée. Or, sa pensée égoïste n'aboutit qu'à détruire. Il est évident qu'il ne pourra jamais trouver le paradis en lui de cette manière. Pour lui, le monde n'est qu'une scène de théâtre sur laquelle il peut libérer ses pulsions et son agressivité égotique. L'homme rapporte à lui tout ce qui l'entoure. Et, de ce fait, détruit tout autour de lui. Le déserteur est au contraire, celui qui fuit la possession. Il est comme l'eau, aussi insaisissable. Il peut, par son comportement de sage, entraîner le désordre et le chaos de la société destructrice non conforme aux lois divines. C'est son moyen de non-conformité à l'ordre social. Il est pourtant maître de lui-même. Ce n'est pas le statut social qui guide l'individu, mais l'individu qui guide la société vers de nouvelles valeurs supraconscientes et cosmiques. On ne doit pas se fier aux apparences. Chaque naissance représente une vie que nous mémorisons dans notre univers au fil des millénaires. Tout être uni donne à l'univers, l'octave d'un bien-être au-delà de son univers représenté par son quorum terrestre lors de sa vie incarnée. Tout est vie, reliée à la vie universelle. Toute évolution donne naissance à une octave au-delà du son donné par son univers, âme. Nous sommes une étoile dans l'univers de l'au-delà. Nous sommes à l'unisson avec les divinités dans le tout. Nous sommes des êtres vivants lumière, en échange permanent ciel-terre, donc en mouvement éternel. dans le royaume des morts, moment pour la transformation, le mouvement n'existe pas parce qu'il est entravé par des défauts qui empêchent la roue de la vie de fonctionner. Le mouvement, c'est l'hymne à la vie. Chaque organe de notre corps émet son propre son et l'ensemble émet à l'unisson. Cet unisson est une octave qui amplifie le son pour qu'il puisse s'unir à l'au-delà, les étoiles ou les planètes qui renverront leur son en correspondance avec notre évolution et notre destinée, pour continuer notre marche et grandir dans la vie présente. La fonction de l'énergie cosmique, nous recevons de l'espace des poisons-lumière qui nourrissent notre âme. Celle-ci les transmute rapidement, vitesse-lumière, lorsque nous sommes unifiés. Si nous sommes dans la lenteur, c'est-à-dire bloqués par nos entraves, ces poisons deviennent toxiques. Le ralentissement du mouvement de la lumière nous mène fatalement à la maladie correspondant au mécanisme bloqué. Ces poisons sont la lumière. Quand nous sommes dans les lois et que nous les appliquons, nous sommes dans la vitesse. Donc, sans risque, notre matière devient souple. Nos pensées peuvent se créer dans la matière. C'est la lenteur de la matière qui provoque la cristallisation de la pensée. On pourrait dire que la cristallisation est une toxicité de la lumière. Toxique égale à un amas de lumière, dont le mouvement est bloqué égale à, un point égale à cristallisation égale à construction de la maladie. Quand cette cristallisation est souple, la maladie disparaît. Ce point doit être percuté par une nouvelle force, une nouvelle mémoire reçue de l'univers, pour dissoudre cette matière ou idée emmagasinée, et donner naissance à une nouvelle matière ou idée, au fur et à mesure de l'évolution. Transmission des mémoires célestes en haut, tout est en mouvement. En bas, tout est cristallisé et souple. Cette cristallisation permet l'enregistrement de l'énergie, puis reprend une nouvelle élasticité. Ce processus ne nous détruit pas, parce qu'il est en osmose avec la magie de l'univers et de la Terre. C'est ce processus qui permet de soigner à distance. Le sport est pratiqué pour garder la souplesse de notre corps. Sur un autre plan, le sport est un appel que l'âme envoie pour retrouver la souplesse. Et, si nous sommes dans la transmutation éternelle des énergies, notre corps restera toujours souple sans avoir besoin de pratiquer des sports. Nous n'appliquons le message de la souplesse qu'au niveau matière, dans le sport. Dans notre civilisation, nous privilégions le sport sous toutes ses formes. Là aussi, l'argent a tout corrompu. Et nous épuisons notre corps. Donc, tout ce qui n'est pas dans l'ordre peut être corrompu. Laissez-moi vous raconter l'histoire suivante. Un occidental se trouve en vacances en Amazonie. Chaque jour, il fait sa course matinale pour maintenir son corps en bonne santé. Chemin faisant, il croise un indien qui le regarde avec les yeux tout grands ouverts. Celui-ci tourne subitement la tête pour apercevoir l'animal sauvage qui court derrière cet homme. Pour cet indien, courir n'est nécessaire que si on est poursuivi par un animal sauvage. Courir, c'est sauvegarder sa vie. Sinon, on épuise le corps qu'on devrait plutôt ménager. Trop de lumière d'un coup détruira une personne qui n'est pas prête, combustion instantanée, ou l'aliénera. Le temps des retrouvailles de notre origine est entouré de difficultés, c'est comme une première naissance. Les difficultés proviennent de la richesse des facteurs mémoire, qui luttent pour acquérir une forme et nous bousculent. Notre origine mémorise les informations. Ensuite, notre corps prend de la vitesse, et tout revient dans la forme initiale. Le corps se retrouve enrichi davantage, avec plus de maniabilité pour acquérir la souplesse. Il devient malléable et s'allège de plus en plus pour s'élever. Si notre incarnation nous a permis d'aller dans le bas, la Terre, nous devons aider le bas. Nous avons la possibilité d'aider tout ce qui est incarné. C'est notre rôle sur Terre, après nous être aidés. Aider veut dire être avec notre aura dans le don en permanence. C'est être en communication permanente avec les mailles du filet cosmique. Nous pouvons aider les autres car notre âme rayonne. Si nous sommes des serviteurs de la lumière, nous n'en sommes pas moins ses défenseurs. Nous avons une épée qui est la puissance verbe pensée. L'épée est la vérité, le savoir, la connaissance des causes à effet. Les mystères de la terre et du ciel sont dévoilés. Ici, notre mère nature, est dévoilée. Aider ne veut pas dire faire le travail à la place de l'autre. Ce n'est pas que donner de l'argent à un pauvre. Faire quelque chose pour notre société, ce n'est pas se battre contre des moulins à vent. C'est en grandissant que l'on peut aider. Quand Jésus disait, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre, je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi, celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie, la perdra et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Discours apostolique, Matthieu 10, 8. 34. L'épée tranche les obstacles qui empêchent le progrès de l'être. Elle est le discernement qui atteint les racines de l'être. Elle sépare le vrai du faux et le durable de l'éphémère. Elle permet la réalisation du plan cosmique. C'est la remise en question en rapport avec les lois, son image, universelle, c'est mettre les choses en place à leur origine qui représente l'organisation des rythmes de la vie et sa compréhension. Le flux et le reflux qui est le mouvement perpétuel égal à éternité. Les gens de notre maison sont nos émotions et nos défauts sont nos démons. Ne les cherchons pas ailleurs, ils sont en nous. Nous, nous possédons nous-mêmes. Chaque être qui sort de l'ordre, détruit l'organisation qui régit son âme. La paix ne peut intervenir qu'après avoir fait la guerre, c'est-à-dire, après avoir transformé tous ces démons qui entravent l'ordre en nous, tout ce qui empêche l'expression de l'âme sur terre, tout ce qui est en relation étroite avec la nature qui donne le rythme, et le ciel, la mélodie. Devenons le chef d'orchestre. C'est le rôle de notre soleil qui est notre âme. Dans le texte de Jésus, le symbole de la croix, c'est l'équilibre du yin et du yang égal à l'unification, la montée et la descente des énergies tertielles, l'horizon égal à les distribuer autour de nous. C'est la base pour assurer la continuité de l'évolution, pour arriver à créer. Il est important d'avoir conscience, ou de prendre conscience de nos travers qui empêchent notre intuition d'agir. L'intuition, c'est l'expression de l'âme en parfaite harmonie avec le cosmos et la nature, le tout. La paix, c'est le silence intérieur qui permet de puiser dans la mémoire de notre âme, notre livre des vies. Dans notre civilisation, nous ne donnons de l'importance qu'au véhicule de notre âme, le corps physique. Ce corps physique, par ses maladies, dévoile tous les blocages dans les mécanismes de l'âme, l'empêchant de s'exprimer. Le mécanisme de l'âme est toujours en mouvement, ce qui lui permet d'intervenir suivant les conditions journalières de notre vie. À nous de comprendre, avec l'aide et la compréhension des symboles de notre corps, la connaissance des planètes et des sons, qui régissent les différentes parties du corps. Chaque partie de notre corps est une parcelle de l'univers.